Bonjour. Bonjour. Je prends du son pour un collectif de radio associative qui s'appelle A Centrale, qui soutient, qui participe à la grève. Est-ce que vous voulez m'expliquer ce qui se passe sur... un peu là-bas. Ouais, pas de problème. Tranquille. Ouais. Ça va ? Ouais, ça va. Parce que là, dans les médias, on n'en entend pas beaucoup parler des blocages des ports. Ah bon ? Ouais. T'as remarqué aussi ? Non, bah ça, c'est au kill de suite, ça. Non, là, ouais, c'est depuis le mois de décembre, on n'en a pas entendu beaucoup parler, mais je pense que là, depuis une semaine... Ça commence à faire un peu d'écho là, ça commence à parler un petit peu là. Ouais. Toi, c'est quoi ton métier sur le port ? Alors, moi, je suis secrétaire général du syndicat CGT du Grand Port Maritime de Rouen. Okay. Je suis à temps plein, je m'occupe des intérêts des salariés du port de Rouen. D'accord. Et du coup, là, les actions concrètement sur le port, c'est quoi ? Nous, depuis le 5 décembre, on a mis plusieurs modalités en place d'action qui ont porté leurs fruits, et puis il y a eu plusieurs appels à la grève aussi de notre fédération, à des journées de 24 heures d'arrêt, des ports morts aussi. Et là, depuis la semaine dernière, on a haussé un peu le niveau d'action, parce que le gouvernement il s'entête toujours avec cette réforme. Et on est passé à 72 heures d'arrêt de travail dans les ports, ports morts. Et cette semaine, on est de nouveau 72 heures en grève. Okay. Et concrètement, quand le travail s'arrête ici, c'est quoi les effets immédiats ? Bah, les effets, je l'ai dit tout à l'heure, la prise de parole quand la manifestation elle est arrivée, c'est aujourd'hui on a 20 navires qui sont en rade, au large, qui sont en attente. Dans les 20 navires, il y a 11 pétroliers, 11 gros pétroliers, il y a 5 gros céréaliers qui font plus de 200 mètres, et puis 4 navires un petit peu plus petits qui sont en attente, et on a 16 péniches qui sont aussi en attente. Voilà. Et après, y a les trains de fret là, qui ne circulent pas. Par rapport au blocage, il y a des camions routiers qui sont. Y a les routiers aussi qui sont bloqués. Du coup, là, ça a un impact énorme au niveau économique pour le port. Parce qu'il n'y a aucun chargement, il n'y a aucun déchargement de bateaux. Non. Nous, les salariés, quand on appelle à la grève, ils sont tous en grève. Mm. Que ce soit au niveau des dockers ou au niveau des portuaires, c'est fortement suivi. Et au niveau des autres ports, ça se passe comment ? Il y a le même suivi ? Oui, dans les autres ports, sur Marseille, il y a un peu plus de 50 navires qui sont en attente. Le Havre, la même chose. Et puis ça a un impact énorme. Les terminaux, ils sont saturés. Cette grève-là, elle est très très forte. Voilà. Et là, je vois que la capitainerie, il y a des belles barres de fer devant une des grilles. Elle est toute redécorée. C'est bloqué aussi. Nous là depuis, après c'est inédit au niveau du port, ça fait à peu près 10 jours. Le centre administratif qui a la direction, les services annexes du port territorial et le service de la réparation navale, ils sont fermés, les salariés viennent, ils pointent, ils repartent. Aujourd'hui, on a pris aussi, parce que port mort pour nous c'est l'activité sur les terminaux, mais c'est aussi bien l'activité aussi au niveau... du port administratif et les services annexes. Voilà. Du coup, là, on a décoré un petit peu le centre administratif. Et puis, les salariés, ils ne viennent pas travailler parce que il y a un blocage. Voilà. Ok. Merci. Et ton prénom, c'est ? Lotin Fabrice. Merci.